536, self-testing exercise, numbering. Complete the following. Write in figures. Monsieur et Madame Le Mercier ont 5 enfants. Michel a 22 ans. Pierre a 17 ans. Sylvie a 13 ans. Marie-Odile a 11 ans. Et Jean-Claude a 3 ans. Ils habitent 6 boulevard Murat, Paris 16e.